Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Entre pêcheurs, migrants, Brexit, les relations sont fraîches en ce moment entre France et Grande-Bretagne. Mais il y a, entre les deux pays, une intimité que l'on voit dans les langues respectives. En septembre, par exemple, le Premier ministre Boris Johnson s'adressait à la France en franglais. « Prenez un grip », disait-il, « donnez-moi un break ». Autrement dit, ressaisissez-vous, laissez-moi souffler. Bah, ça témoigne tout de même du maintien d'une langue commune, même si elle est fautive. On se souvient du roi Édouard III, en pleine guerre de Cent Ans, qui soudain, en ramassant au pied de sa maîtresse sa jarretière, créa l'ordre du même nom, avec une phrase en français « Honni soit qui mal y pense ». Honni soit qui mal y pense. C'est le titre d'un livre d'une grande linguiste, Henriette Walter, qui vient d'être réédité dans une somme de ses œuvres dans la collection Bouquins. Henriette Walter s'intéresse particulièrement aux emprunts que les langues se font les unes aux autres. Eh bien, note-t-elle, si on considère les seuls mots de dimension internationale, l'anglais et le français en ont plus de 3000 qui, dans les deux langues, s'écrivent de façon identique et recouvrent le même sens. D'abandon, abattoir, abdication, A, Z, zone, zo. Un record d'intimité. Alors que les deux langues sont d'origine bien différentes. Bon, alors pour faire simple, en Angleterre, domination des langues germaniques. En France, du latin. Mais des événements politiques et militaires ont ensuite rapproché l'anglais et le français qui viennent de ces sources si éloignées. En 1066, Bruno, Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre. Il est duc de Normandie, le Normand a pour base le latin, et il va se répandre dans les milieux chevaleresques de l'autre côté de la Manche. Pendant les trois siècles qui suivent, 13 reines d'Angleterre viendront de France. La cour d'Angleterre parle français. Au XIIe siècle, l'anglais, on dit pour cette époque le moyen anglais, bien, emprunte davantage au français qu'au XIe, davantage au XIIIe qu'au XIIe, davantage au XIVe, le moment de la création de la jarretière, qu'au siècle précédent, qu'on pense à affaires, monnaie, closet, et des mots autres encore qui sont répertoriés par Henriette Walter témoignent de ce moment privilégié de partage. Est-ce que les deux pays auraient pu finir par pratiquer une même langue de prestige, de pouvoir qu'aurait été le français de cour? Ben, c'est ce que pense Henriette Walter. Après tout, dit-elle, les souverains anglais résidaient beaucoup dans leurs possessions françaises. Au pire moment de la guerre de Cent Ans, toujours elle, le vainqueur d'Azincourt, Henri V, était fait régent de France par le traité de Troyes, 1420. Mais Jeanne d'Arc vint. Alors, Harry, à lire Henriette Walter, toujours elle, on serait presque tenté de dire « Hélas, les troupes anglaises qui la combattent savent encore assez de français pour la traiter de putain, de vachère et ces hommes de macro mécréants, mais l'intervention de Jeanne dans l'histoire va hâter la séparation des deux langues. » Bon, vous dites du mal de Jeanne d'Arc, mais en 1431, date de sa mort, l'anglais était déjà sorti de l'orbite du français. Ben, c'est pas moi, hein. Je ne suis que l'interprète d'Henriette Walter, qui souligne d'ailleurs, comme vous, cette autonomisation qui a commencé pour l'anglais au XIVe siècle. 1349, Oxford enseigne en anglais. 1362, le discours d'ouverture du Parlement se tient en anglais. Les contes de Canterbury, Chaucer, mort en 1400, fondent la littérature anglaise. On peut tout de même, Bruno, faire semblant de regretter les moments où l'attractivité du français dominait. Ensuite, la puissance d'aimantation a été plus forte, c'est vrai, du côté de l'anglais, au XVIIIe surtout. Alors que le français était pourtant la langue internationale par excellence, les mots anglais ont pénétré en masse. Mais, à y regarder de près, dès le XVIe siècle, c'est le moment où s'introduit le mot « clown ». C'est un mot anglais, d'origine germanique, désignant un rustaud. Exemple, permettez-moi, quel dommage qu'un grand pays comme l'Angleterre soit dirigé par un clown. Il paraît que ce serait d'Emmanuel Macron. Enfin, je ne veux pas entretenir les mauvaises querelles. Et le livre « Honni soit qui mal y pense » d'Henriette Walter figure dans le volume de la collection Bouquins qui vient de lui être consacré. Merci Jean Lebrun. France Inter.